pas prier mon frère ou l'argent, ou pas marcher. Allons la peine nous. Oh, côté qui est chaîne dans point fou, côté qui est coup dans point chaîne. Tomber d'amour, y'en a un qui paraît même. Mais c'est sans faire pour payer. Viens joindre moi, point de patience, m'attends nous. C'est pour tout seul barrière que m'rêter l'ouvrir. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. kene yo. Mama Sonia Bébé Gaki Jean yo kene yo. Ti mesdames na Guadeloupe, mesdames na Martinique, mesdames dans Paris, yo. Mesdames dans Brooklyn, mesdames dans Montréal, dis mesdames Miami, yo. Mesdames dans Guyane, dis mesdames Port-au-Prince, yo. Mesdames boy ici. Moi suspect nous aimer caresser, mais c'est nous-mêmes qui vous disons ah ouais avec un bassin pipito. Mais depuis que nous avons caressé comme ça, nous avons une seule maladie pour nous. Maladie, ça y est, le hoch. Et puis, de vous, hoch. Là, ça, c'est le seul côté demander pour aller. Directement pour tu. Parce que l'autre côté pour demander pour aller. Là, ça, c'est pour une pâle. Nous avons tous nos indiens. Nous avons tous nos indiens. Et puis, là, ça, c'est pour dire, c'est vous-même, y'a les monsieur Champagne. Et puis, après ça, vous avez dit, monsieur Champagne. Mettre le chéri, oh, à l'aise. En haut, caressez ma haut. Ou bien pour mousseux, mousseux. En haut, caressez ma haut. Mon tenesse, mon tamajon, mon tecrason, la déchiro, et puis me décaforer les kékés. Caressez ma haut.